parié ta vie, tu finis premier prix. Mi-temps ou mi-temps. La patience est la meilleure des vertus, mon ami. La prison, c'est pas la maison. Promenade, deuxième tour. Je vais là où la vie me mène, là où mes pieds me traînent. Pas de temps pour les regrets. Tu m'invites à rentrer, je rentre pas. À contresens, tu grilles ton enfance. Même quand t'es avec plein de monde, t'es tout seul dans ta tête. Un jour ou l'autre, tu verras. Le paradis se trouve sous les pieds de nos mamans. Ils nous ont enfermés, mais ils ne nous ont pas tués. Pas fini. Lorsqu'il y a des problèmes dans les tribunes, on peut enregistrer les images, donc les coupables sont vite repérés. Je vais là où la vie me mène, là où mes pieds me traînent. Pas le temps pour les regrets. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. À contresens, tu grilles ton enfance. Un jour ou l'autre, tu verras. API 14. Paysage sonore, dedans, dehors. Centre pénitentiaire d'Eton, avec la participation et les voix de... Kamel. Dame. Démon. Chameau. Face. Sky. Cyril de Vinci. Kevin. Mohamed la Marmotte. Gilles.